quatrième et dernier temps de notre série consacrée à Karl Marx dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le débat « Comment faire de l'histoire avec Karl Marx ?» Le dernier film du cinéaste Raoul Peck nous fait redécouvrir en salle le jeune Karl Marx et à cette occasion, ainsi que celle du 150e anniversaire de la parution du premier volume du Capital en 1867, nous vous proposons donc, avec les chemins de la philosophie d'Adèle Vendrette, de réfléchir à l'œuvre du philosophe de Trèves. Philosophe, économiste, mais qu'a-t-il à nous dire en tant qu'historien? C'est ce que nous allons voir avec Anne Jollet, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers et rédactrice en chef des Cahiers d'histoire, revue d'histoire critique. Avec Roger Martelly, il est historien et historien du communiste et auteur récent d'un petit livre qui vient tout juste de sortir aux éditions du Croquant en collaboration avec Espace Marx. Que reste-t-il de l'octobre russe? Et avec nous également, Vincent Guay, maître de conférence en sociologie à Paris 7. Il est socio-historien. Mais vous le savez, nous sommes jeudi et le jeudi, nous nous intéressons à la façon dont on enseigne l'histoire aujourd'hui dans les classes. La fabrique de l'histoire scolaire, nouvel épisode préparé par Séverine Yattard et Séverine Cassard. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates de cet empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates de cet empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Isabelle Morel-Espinet, professeure à l'Université de Paris 1, anime une journée de formation à l'intention des enseignants du secondaire sur l'histoire des femmes et du genre. Elle donne ici quelques exemples à traiter avec les élèves pour illustrer son propos. Bon, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est pour le programme de 5e surtout, hein, le programme d'histoire médiévale. Et c'est une fiche que vous pourrez retrouver sur Internet de l'Académie de Reims, hein, qui a été écrite, rédigée par une collègue sur Hildegarde de Bingen et l'Église au Moyen-Âge. Et évidemment, quand on fait ce cours, je l'ai fait autrefois aussi, hein, je me souviens qu'on insistait sur la structure du clergé, sur la vie monastique, sur les baptisteurs d'église, tout ça. Et donc, c'était une histoire exclusivement masculine. Donc, elle propose un diaporama qui reconstitue la biographie de cette Hildegarde. Et elle a mis avec du contenu, hein, sur la place des femmes dans l'Église au Moyen-Âge, sur les relations entre l'Église et les fidèles. Et puis, elle a mis aussi une fiche d'évaluation. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Autre cas possible, Émilie du Châtelet. Donc là, c'est pour le programme de 4e. Hein. C'est une façon d'introduire à la fois dans l'histoire littéraire, dans l'histoire politique, l'histoire de la philosophie, une figure exceptionnelle. Hein. Alors ça, c'est le problème auquel on est confronté avec l'histoire des femmes. Hein. C'est toujours, est-ce qu'on va valoriser des figures individuelles, exemple George Sand, Émilie du Châtelet ou Hildegarde, là, ou bien est-ce que on vise la masse, hein. En tout cas, Émilie du Châtelet présente un parcours intéressant. C'est un collègue, hein, qui met ça à disposition des autres collègues. Cette figure permet à la fois de montrer tout un contexte d'effervescence politique, intellectuelle, philosophique. Ça permet aussi de voir les circulations des idées entre les différentes capitales européennes et puis de voir aussi les liens entre sciences dites exactes ou dites dures et puis les sciences sociales, les sciences humaines. Alors, sur les images stéréotypées du masculin et du féminin dans le milieu ouvrier, vous avez une photographie au début du XXe siècle, à Bruay-en-Artois, donc dans le bassin minier, et vous avez des femmes qui poussent des wagonnets à la mine. En France, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les femmes ne travaillent jamais au fond de la mine, puisqu'il faut la force, il faut l'endurance, tout ça, des hommes pour être au fond de la mine. Alors là, cette photo, elle montre des femmes qui poussent des wagonnets qui pèsent sans doute 300, 400 kilos ou 500 kilos. Donc là, la force physique, elles doivent l'avoir. Alors, des images comme celle-ci sont faciles aussi à exploiter parce que c'est très parlant pour les élèves, cette force nécessaire pour pousser et qui va à l'encontre de cette notion de virilité. Alors, l'autre document que je voulais vous montrer, c'est un travail qu'une autre collègue qui a quitté le secondaire il y a peu de temps, il y a 2 ans, et qui est maintenant maître de conférence ici à Nanterre, qui s'appelle Laure Machu. C'est un travail qu'elle avait proposé, justement, en intégrant pleinement l'histoire des femmes et l'histoire du genre par rapport au Front populaire. L'idée, c'était de l'aborder différemment, avec 3 questionnements. Est-ce que les femmes sont dans les années 30 en train de profiter des mutations qui s'opèrent. Deuxième questionnement, le mouvement social de l'été 36, quelle est la participation des femmes à ce mouvement en tant que grévistes, en tant que dirigeantes syndicales ou leaders de mouvement. Et troisième question, quels sont les acquis du Front populaire? Est-ce que ces acquis sont identiques pour les hommes et pour les femmes? Donc on a les ouvriers à traiter, et en plus la séquence qui suit, c'est la place des femmes dans la société française de la belle époque à nos jours. Donc du coup on peut vraiment faire un lien sur des classes exclusivement masculines, ça peut être vraiment très intéressant de le gérer, mais c'est aussi très intéressant de le gérer sur des classes féminines. Souvent c'est genré, les esthéticiennes on a 30 filles, les mécanos on a 30 garçons, et du coup ça permet de voir un peu les choses différemment. Et les garçons, au bout d'un moment, ils nous disent « il y en a marre de parler des femmes. Ah, mais il va peut-être falloir leur accorder une autre place, quoi. » Voilà pour ce nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire qui aborde la question de l'enseignement de l'histoire des femmes et du genre. Vous pouvez bien évidemment télécharger séparément de l'émission du jour ce nouvel épisode pour garder avec vous l'ensemble de cette série commencée il y a un peu plus d'un an et qui s'intéresse à la façon dont on enseigne l'histoire en France. Aujourd'hui, 4e et dernier temps de notre série consacrée donc à l'histoire et à Karl Marx. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons un débat autour justement de l'usage de la pensée de Karl Marx en histoire aujourd'hui. Je repartirai d'un petit texte de Charles-Olivier Carbonel, qui était professeur et directeur de l'Institut d'Histoire de l'Université Paul-Valéry de Montpellier, qui publiait en 1994 un recueil de textes essentiels chez Larousse qui s'intitulait « Les sciences historiques de l'Antiquité à nos jours ». Et dans un passage justement sur l'historiographie marxiste, il disait ceci « Il n'y a pas une historiographie marxiste, mais des historiographies marxistes, marxisantes ou marxisées, orthodoxes, dogmatiques, révisionnistes ou hérétiques, qui offrent tout un éventail toujours plus ouvert de pratiques ». Bonjour à vous, Roger Martelli. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de présenter ce qu'on a appelé l'historiographie marxiste et que Charles-Olivier Carbonel, dans ce texte auquel il ajoute un pluriel? Mais je suis d'accord avec l'usage du pluriel, même si j'hésiterais peut-être à accompagner ce pluriel de la multiplication des qualificatifs. Moi, je pars de l'idée, évidemment, que depuis la fin du XIXe siècle, un spectre entre l'historiographie, c'est le spectre de Marx. Cela dit, histoire marxiste au singulier, j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est, parce qu'en réalité, derrière ce mot, il y a des tas de réalités. Et pourtant, vous avez été membre d'un institut qui s'appelait l'Institut d'Histoire marxiste, en l'occurrence. De recherche marxiste, c'est exact. Mais avec toujours une certaine distance critique à l'égard du qualificatif. Mais reparlons de cette diversité, parce qu'au fond, quand on parle d'histoire marxiste, il y a d'abord Marx, Marx qui est un rat de bibliothèque, qui est un dévoreur de livres historiques, et qui pense historiquement la réalité, l'actualité, comme l'expliquait Villa. Il y a ceux qui utilisent la lettre de Marx, qui citent Marx, ou ce qu'ils croient être la pensée de Marx, ou de ses héritiers. de ce que l'on va qualifier justement de marxiste, même si Marx avait une distance à l'égard du qualificatif de marxiste. Il y a ceux qui utilisent, j'allais dire, Marx de façon savante, c'est-à-dire qui pratiquent par exemple le jeu des citations. Et il y a ceux qui ne le connaissent pas nécessairement, mais qui savent en gros ce que recouvre la notion de marxisme et de pensée Marx et qui l'utilise. Jaurès, par exemple, quand il écrit l'histoire socialiste de la Révolution française, connaît parfaitement Marx et assume son rapport à Marx, mais Lucien Febvre, un des fondateurs de l'école des Annales, ne connaît pas véritablement le texte de Marx. Ça ne l'empêche pas de développer une histoire qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, marxiste. L'école des Annales n'est pas marxiste, mais on ne peut pas dire qu'elle n'est pas influencée. Ouais, beaucoup de ses membres sont influencés par la pensée marxiste. Duby, qui n'est pas marxiste, a toujours dit qu'il avait une dette incomparable à l'égard de Marx. Donc, quand il dit, par exemple, Duby, une société forme un tout, je ne crois pas possible de dissocier la politique de l'économique et du culturel. C'est cette coalescence qui oblige à recourir à toutes les informations, dit-il. C'est très proche, c'est effectivement. Très belle formule, mais au fond, je ne crois pas qu'il y ait une histoire marxiste, mais il y a un continent Marx, et ce continent Marx a quelque chose à apporter au travail des historiens. Anne Jollet, bonjour, vous êtes donc rédactrice en chef des Cahiers d'Histoire, revue d'histoire critique, dont le dernier numéro porte sur l'exposition internationale de 1937, politique et culture au temps du Front populaire. Cette revue est l'héritage des cahiers de l'Institut Maurice Thorez, puis des cahiers d'histoire de l'Institut de recherche marxiste à partir de 1980. Pour autant, est-ce une revue d'histoire marxiste ? Oui, ben merci beaucoup de nous impliquer dans ce débat, bon, qu'on a pu considérer comme crucial au moins de poser dès notre numéro de la première série en 1996. Donc quand le titre des cahiers, le statut aussi a changé, l'Institut est devenu une association, Espace Marx, et les cahiers d'histoire sont devenus les cahiers d'histoire, revue d'histoire critique. Donc dans le titre même, il y a un passage du marxisme à cette histoire critique. Certains ont trouvé que c'était un abandon lâche dans un moment de grande tension et par ailleurs, on le sait, d'échec politique d'expériences qui se réclamaient de Marx. Je crois que ça correspondait à une réalité que Roger a dit par ailleurs, c'est-à-dire que beaucoup d'historiens, mais aussi de sociologues, enfin de penseurs des sciences sociales. De la société, voilà, à la fois connaissent plus ou moins, comme tu l'as dit justement, et souvent les historiens français ne sont pas des grands philosophes ni des grands lecteurs même du Marx historien. Et là, c'est quelqu'un qui fait référence à Marx, considérant déjà à son époque, en 1844, quand il venait en France, que les Français n'étaient pas des grands théoriciens et qu'ils étaient des bons praticiens de la Révolution, mais pas beaucoup plus, en l'occurrence, Anne Jollet. Oui, peut-être que c'est parce qu'aussi on est très pris par l'urgence de la Révolution qu'on va peut-être un peu vite sur les théories. Non, mais il y a quelque chose de peut-être de singulier à l'histoire française qui s'est construite sur une histoire sociale et économique, mais qui en même temps justement est traversée par un apport d'outils, on peut dire, conceptuels divers ou de grilles de lecture liées à Marx. Donc dans cette idée d'histoire critique, notamment si vous lisez notre petite charte de 96, il y a différentes articulations, notamment comme Duby, et c'est peut-être ça qui est le plus en difficulté à mon sens aujourd'hui, et peut-être le plus à repenser par nous tous ensemble, cette question de la société comme un tout. L'histoire totale. Donc, qu'est-ce que les historiens proposent pour penser des articulations entre les différents objets d'histoire sur lesquels ils s'intéressent ? Ça veut donc dire que vous pensez que, par exemple, que l'évolution de la discipline, créant des périodes, créant des sous-périodes, créant des objets spécifiques, a fini par découper justement cette ambition de l'histoire totale qui était celle, par exemple, d'un Pierre Villard, qui était un grand historien qui se pensait marxiste, même s'il pensait que le marxisme à son époque, dans les années 70 ou 80, était un marxisme diffus, disait-il, Anne Jollet. Oui, merci. Oui, il me semble qu'il y a là quelque chose qui, avec la pensée, comme on a dit, de système, la critique d'une pensée holiste, etc., est passée dans l'histoire que nous faisons avec, je dirais collectivement, là, je ne parle pas des cahiers d'histoire, avec bon, ce qu'on a appelé l'histoire en miettes, et qui peut-être est devenue plus, de façon plus, peut-être plus dramatique pour notre pensée du social, quelque chose qui est... finalement assez peu l'objet de réflexion collective. C'est-à-dire que quand on a parlé d'histoire en miettes, ça a fait un petit peu scandale et ça a provoqué des réactions. C'était Gérard Noiriel en particulier qui parlait de cela. Doss. Enfin, François Doss aussi. On est vraiment aujourd'hui dans l'acceptation d'une espèce de juxtaposition dans laquelle il y a des objets d'histoire. Alors, pour finir sur les cahiers, ce que je voudrais dire, ce qu'on retient de Marx, c'est notamment l'approche conflictuelle des sociétés. Et ça, je crois quand même que c'est quelque chose que, bon, on est un certain nombre à partager et qu'on considère comme une des priorités. Donc, c'est un angle d'approche des sociétés. Il y a le choix des objets d'histoire. Et puis, pour finir, l'articulation entre la production savante et le militantisme, l'intervention sociale. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on est là et qu'on a plaisir à être là et qu'on essaie d'être toujours dans cette interaction entre l'analyse du présent et des productions historienne. Alors, le troisième intervenant de cette table ronde s'appelle Vincent Gay. Il est d'une génération un peu plus jeune que vous deux, Roger Martelly et Anne Jollet. Et vous êtes socio-historien. Donc, et la socio-histoire, inventée dans les années 80 et développée par une collection particulière qui s'appelait comme cela, dans laquelle intervenaient d'ailleurs Gérard Noiriel et bien d'autres. Cette socio-histoire est-elle, selon vous, puisque vous êtes sociologue et vous enseignez en sociologie à l'Université de Paris 7, Vincent Sanguet, est-elle selon vous une sorte de surgeon d'une histoire marxiste ou quelque chose de très différent, puisque c'est une histoire qui mélange justement deux disciplines, l'histoire et la sociologie entre autres, et on reviendra sur votre objet d'étude qui est justement un objet d'étude de crise, comme l'aime bien justement la question marxiste, à savoir les grèves dans les usines automobiles dans les années 80, au début des années 80 en France, Vincent Gay. Alors, pour repartir peut-être de quelque chose qu'a dit Anne, effectivement, ce passage entre, tel qu'elle l'a raconté par rapport à la revue, entre revue marxiste et revue d'histoire critique, il est effectivement, il pourrait être aussi le point de départ d'une réflexion sur la perte de centralité du marxisme dans tout un tas de travaux et en même temps une profusion de choses qu'on peut appeler des pensées critiques et qui effectivement à l'échelle internationale se sont développées notamment dans des pays non occidentaux, en Asie, etc. et qui effectivement resituent les pensées de l'émancipation et le marxisme à un certain niveau. C'est d'ailleurs par exemple c'est ce qu'on appelle les subaltern studies par exemple dans ce continent sortis du sous-continent indien, qui se sont développés un peu partout, donc qui travaillent sur la question de la domination, en particulier de la domination des sociétés coloniales sur les colonisés. Ouais. Et avec toute une relecture et un décentrage des regards par rapport à une histoire européano-centrée et qui effectivement a été pourvoyeuse de nombreuses recherches, mais qui en même temps sont des recherches qui sont très importantes et en même temps souvent cantonnées à un univers universitaire relativement clos sur lui-même, ce qui est aussi une des différences essentielles et un des enjeux par rapport à une histoire marxiste qui ou une pensée marxiste qui, bien sûr, n'a pas vocation à être strictement universitaire. Et je crois que ce débat-là, ces questionnements-là, on le retrouve aussi aujourd'hui dans l'état des sciences sociales et dans les croisements féconds entre histoire et sociologie. Et moi, pour un peu m'intéresser plutôt à l'histoire sociale assez contemporaine, on voit effectivement une absence assez marqué de la référence à Marx en tant que tel, en tout cas, et en même temps des approches qui, effectivement, vont souvent être l'œuvre de sociologues, d'historiens, voire de politistes, qui vont pas forcément, comme le disait Roger, citer Marx à tout bout de champ. Et en même temps, on sent effectivement, sinon une connaissance approfondie de l'œuvre, du moins une démarche qui veut remettre au goût du jour l'idée que, effectivement, l'histoire et la sociologie et donc la société ne sont pensables c'est à partir du conflit. C'est ce qu'avec beaucoup d'ironie, le grand marxiste qui était Eric Hobsbawm confiait quand il disait qu'au bout du compte, peut-être le marxisme avait-il gagné sous des allures de défaite parce que beaucoup des catégories justement qui étaient utilisées pour pouvoir penser la société avaient fini par pénétrer très profondément dans les analyses sociales des historiens. Est-ce que tout le monde a été un jour marxiste? On pourrait poser la question à nos dirigeants d'aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un dirigeant d'hier qui dit l'avoir été en tous les cas. Je me suis jeté avec beaucoup d'appétit sur cette littérature jusque-là ignorée, qui est la littérature philosophique d'une part, sociologique, dont le représentant le plus évident est la littérature marxiste. Aussi bien les auteurs du marxisme que ceux qui l'ont contredit. Par exemple, je ne trouve pas de meilleure explication du marxisme que dans Raymond Aron, qui passe son temps précisément à démolir cette explication. J'ai besoin de ce débat intellectuel, j'ai besoin de cette confrontation. Je trouve ma vérité à travers l'aigu de la discussion. Et lorsque je me reporte à Clavel, à Aron, à Garaudy, je ne veux pas dire que je m'éloigne de l'explication marxiste qui, notamment sur le plan de l'explication historique, m'a parfaitement convaincu, totalement convaincu. Ça ne m'en éloigne pas, mais ça me fait mieux comprendre. Je ne sais pas si c'est ce que recherchent les auteurs en question. Ce qui est assez curieux, c'est que du côté de l'évolution russe, j'ai, peut-être parce que j'ai un certain goût de l'hétérodoxie, je me suis surtout intéressé aux ouvrages de ceux qui contestaient l'expérience stalinienne. J'ai lu beaucoup Trotsky notamment. Et ensuite, je me suis intéressé à son personnage. Et je me suis intéressé à sa vie, à sa vie d'exilé. J'ai d'ailleurs beaucoup de mes amis qui l'ont approché, qui l'ont connu. Je me suis fait raconter sa vie. Ce qui ne veut pas dire que je sois trotskiste. Mais je crois en effet que tout ce qui touche à la remise en question permanente des données révolutionnaires est inhérente au sens même de la révolution. Et que tout ce qui la fige dans une bureaucratie ou un ordre nouveau est en soi la négation même de l'effort. Et en ce sens, je me suis trouvé plus proche de l'explication ou du besoin d'explication montré par certains leaders du monde communiste qui constamment, c'était au fond une authentique démarche marxiste, à l'épreuve des faits, modifiaient leur démarche. C'est le souvenir que vous avez de François Mitterrand, Roger Martelly, ce François Mitterrand qui en 1970 fait une déclaration de foi à ses lectures marxistes en l'occurrence. Oh, c'est assez amusant comme déclaration, effectivement, mais pas surprenant. Hein. N'oublions pas que le François Mitterrand né dans les années 1970, c'est celui qui explique au congrès d'Épinay que celui qui n'est pas anticapitaliste ne peut pas être membre du Parti Socialiste. Mais c'est même temps celui qui, peu de temps après, inaugure cette période avec le grand recul, j'allais dire des références sociales à l'espace public, aux nationalisations, etc., ouvre la voie à une période où justement la place du marxisme dans la réflexion contemporaine et dans l'historiographie en particulier connaît un recul absolu. Parce qu'au fond, quand on parle de l'histoire marxiste ou du rapport entre Marx et l'histoire, on ne peut pas en parler en général. Il faut aussi historiciser le rapport entre Marx et l'histoire. Et les historiens anglo-saxons qui aiment bien les généralisations savantes disent en gros que dans le rapport entre les historiens et Marx, il y a en gros quatre périodes. Il y a la première période, celle des fondateurs Marx et Engels jusqu'à Franz Mehring, disons vers les années 1880. Il y a la seconde phase avec Gramsci, qui est la seconde phase et qui est la phase, on va dire, d'expansion du rapport entre le marxisme et l'histoire autour des héritiers de Marx, les grands noms, de ceux qui apparaissent à un moment donné comme des continuateurs, pour certains parfois des substituts. C'est Gramsci, c'est Lukács, c'est Benjamin, etc. Et le début des historiens, des grands historiens qui se réclament du marxisme. Je pense à Karl Wittfogel, celui qui invente le travail sur le mode de production asiatique. Puis il y a une grande phase qui va de 47 à la fin des années 80, qui est une phase, là, pour le coup, d'expansion. Et d'expansion d'un marxisme, j'allais dire, extrêmement divers. C'est le moment où se développent les subaltern studies, où se développe la world history avec Immanuel Wallerstein ou Arrighi. C'est le moment où se développe, évidemment... Et se développe aussi le matérialisme historique théorisé par l'URSS aussi. Et en même temps, bien entendu, la dogmatisation de l'autre côté. Et puis, il y a une période qui commence en 1989. Oui. Avec l'effondrement du soviétisme. Et je pense que nous ne sommes pas complètement sortis de cette période. Mais ce qu'il y a de nouveau dans cette période, c'est qu'elle procède moins par anti-marxisme assumé, en tout cas aujourd'hui, que par le fait que l'histoire a changé pour une part, j'allais dire, de registre, de fonction, et que les historiens eux-mêmes ont pour une part changé de fonction publique dans la société. Ben, l'histoire s'est dépolitisée, elle s'est monumentalisée, elle s'est mémorialisée. D'une certaine manière, l'histoire politique telle qu'on la pratique de façon dominante aujourd'hui en revient, j'allais presque dire, à une période d'après Marx. Quand on dit dépolitiser, c'est la mémoire qui l'emporte, qui passe sur le devant de l'histoire. Par exemple, on s'intéresse de plus en plus dans la mémoire, évidemment, aux victimes. Et on s'intéresse un peu moins à ce qui produit, justement, j'allais dire, le développement de la victimisation de masse. On sait que l'histoire de la Shoah a pris le pas, la mémoire de la Shoah a pris le pas sur la mémoire de l'antifascisme, alors que les deux devraient être mêlés. Et c'est vrai que dans cette conception de l'histoire, Marx n'a pas beaucoup de place, je dirais même qu'il n'a plus de place du tout. Oui, c'est très intéressant ce que vient de dire Roger Martelly, Anne Jollet, c'est-à-dire une des questions... Non mais c'est vrai, c'est une des questions qui peut se poser. Est-ce que cette question de la mémoire qui a surgi justement dans les années 70 et 80 est une opposition avec ce qu'était supposé être l'histoire scientifique, l'histoire marxiste telle qu'elle était développée dans les années précédentes? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout du compte, la mémoire aurait pris la place d'une histoire qui se voulait globalisante, on le disait, totale, et mêlant tous les registres, pourrait-on dire, de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, de l'histoire économique, de l'histoire politique? Peut-être que, avant de parler de mémoire, il faut quand même remonter sur le travail qui a été fait par, y compris certains historiens, qui connaissent Marx et qui connaissent les préoccupations, notamment de ce que Marx aurait appelé les infrastructures de l'économique, comme Michel Vauvel, pour l'articuler avec ce que lui a appelé les mentalités, terme qui a été beaucoup critiqué ensuite, mais qui posait bien ce problème quand il écrit son recueil, enfin il publie De la cave au grenier. On est encore dans une pensée qui tente d'articuler les infrastructures avec la superstructure. Voilà, et qui tente de penser ce qui peut-être avait été trop laissé de côté, la question de ce qu'on appellerait aujourd'hui les représentations ou de l'importance du culturel, etc. Donc y a là un cheminement qui a été courageux de la part de certains historiens de l'histoire économique et sociale, de dire il y a des pans du réel social qu'on a laissé trop de côté. Bon, il y a là-dedans sans doute l'influence aussi de la psychanalyse, donc tout ce qui est place de l'imaginaire, peut-être de l'inconscient, en tout cas les productions culturelles telles qu'on les voit dans la société, d'où l'importance des travaux sur aussi la presse, enfin des supports de la construction idéologique. Le problème s'est posé, c'est du coup qu'on a laissé de côté ce qui est de l'ordre de la production et du travail. Et je me souviens d'un numéro qu'on a créé au Cahier d'Histoire et dans lequel on avait interpellé Michel Pigenet. Il y a déjà pas mal de temps, et qui disait, mais on ne parle plus du travail. Spécialiste de l'histoire ouvrière. Voilà, plus personne. Donc ça s'appelait « Comment les historiens parlent-ils du travail ?» Et depuis, je dirais qu'il y a eu énormément de reprises, de réflexions, mais pas tellement sur la production, plus sur les aspects soit liés aux techniques, soit liés aux conflits sociaux. Pour ma part, je pense que c'est un cheminement en cours qui va nous ramener, in fine, vers quelque chose qui est de l'ordre de la production, de l'économique, des rapports de production, qui sont aussi les questions très vives de notre société. Oui, vous qui travaillez sur la conflictualité, puisque vous avez rédigé une thèse, en l'occurrence Vincent Guay, sur les grèves dans les usines automobiles à la fin des années 70, au début des années 80, grèves qui sont assez complexes parce qu'elles sont mélangées dans l'esprit des gens entre la question syndicale et la question effectivement de montée de l'immigration dans la société française et de discours opposé à la montée de l'immigration dans la société française. Vous pensez quoi justement de ce dont vous servez en tant que socio-historien pour pouvoir analyser un phénomène comme celui-ci, des grèves dans des usines automobiles au début des années 80. Alors effectivement, donc moi je travaillais sur les ouvriers immigrés dans les grèves de l'automobile à la fois un moment de fin de 30 glorieuses, début de désindustrialisation, donc notamment sur les effets de la crise sur les ouvriers immigrés. Et là où moi j'ai pu essayer de m'inscrire aussi dans un renouveau à mon avis historiographique de l'histoire sociale, c'est notamment dans la suite d'un ensemble de travaux sur les années 68, à la fois qui ont mêlé une histoire ouvrière avec les travaux de Xavier Vignat, une histoire ouvrière et de l'immigration, les travaux de Laure Pitty, une histoire vraiment du travail avec les travaux de Nicolas Hatzfeld, mais qui a été aussi nourrie de tout un apport de la sociologie qui c'est une sociologie qui est, qu'on peut dire du travail, mais plutôt finalement une sociologie surtout du monde ouvrier. Alors avec effectivement le grand ouvrage de la fin des années 90 qui a une influence importante peut-être qu'il faudrait re-questionner sur la condition ouvrière de Stéphane Bou et de Michel Pialoux, retour sur la question ouvrière. Et effectivement, ces ensembles de travaux qui ont réussi un peu à sortir de leur champ disciplinaire stricto sensu et qui ont aussi questionné, notamment pour les années 68, les rapports à l'événement, les rapports au changement social et qu'est-ce qui, d'un point de vue de la subjectivité des acteurs, pouvait être produit par ces événements-là. Mais ben, par exemple, quand vous travaillez sur les grèves de Citroën-Aulnay ou de Talbot-Poissy, par exemple, vous vous posez la question de cette émergence d'un discours sur l'islam et sur le gréviste musulman qui vient perturber, pourrait-on dire, les vieux schémas qui étaient les schémas anciens, pourrait-on dire, sur lesquels on réfléchissait entre ouvriers d'un côté, patrons de l'autre, et la grève entre les deux. Là, il y a une nouveauté qui est effectivement dans cette société de la fin des années 70-80, même si vous dites que, eh bien, auparavant, il y avait déjà des lieux de culte, il y avait déjà des choses qui avaient été installées auparavant, y compris dans les années 30, dans certaines usines, dites-vous. Mais là, il y a émergence d'un discours public sur cette question-là, au point de voir une sorte de grève sainte, telle que ça a été décrit dans les médias de l'époque, ou chez les hommes politiques, pourtant de gauche de l'époque aussi. Oui, alors sans revenir en détail sur cette histoire-là, effectivement, c'était aussi une interrogation sur la façon dont la société, les représentations publiques de la société, médiatique, politique, syndicale, etc., produisaient une image du monde ouvrier, et dans la façon dont, effectivement, la question de l'hétérogénéité de la classe ouvrière, du monde ouvrier, était raconté comme une hétérogénéité indépassable ou au contraire était effectivement le point de départ pour construire une unité politique des ouvriers. Et les années 80 sont effectivement un des moments, ou une période en tout cas, d'effritement des représentations en tant que classe, mais représentations qui sont à la fois de nature, on va dire, sociologique. En gros, est-ce que quels sont les intérêts communs qu'il peut y avoir entre des conditions sociales assez variées, mais aussi des questions politiques sur la construction de la classe ouvrière ou du monde ouvrier comme sujet politique. Et en sociologie, on a bien vu que, effectivement, et ça revient un peu à la discussion que vous aviez tout à l'heure sur François Mitterrand et le rapport du Parti Socialiste à toute cette histoire idéologique-là, c'est aussi en partie des sociologues proches du Parti Socialiste qui ont contribué à défaire les lectures de classe avec l'école tourainienne sur les mouvements sociaux, tous les écrits sur les banlieues à l'époque ne seront plus vus comme des banlieues rouges, comme des banlieues ouvrières, mais comme des lieux en fait uniquement de souffrance et de désaffiliation. Et donc toute cette histoire-là, bien sûr, l'histoire ouvrière et l'histoire sociale, elle est questionnée dans ce contexte-là. Roger Martelly. Oui, je vais continuer dans l'esprit de ce que vient de dire Vincent, peut-être en disant la manière dont moi, j'essaie de pratiquer, voilà. En quelque comment sorte, on fait, un certain rapport à Marx. Moi, mon objet, donc, c'est l'histoire du communisme, et plus précisément l'histoire du Parti communiste français. Avec la nécessité de se mettre à distance de cette histoire quand on a été soi-même dans ce parti. Si on veut, mais j'allais presque dire, ce n'est pas ça pour moi mon problème principal, parce que ça se gère, c'est une affaire d'un essai de rigueur intellectuelle. Ouais. Non, et ça n'est pas ça la question. Ouais. Pour moi, la question était d'une autre nature. Pour moi, le grand mystère, entre guillemets, à expliquer, et le suivant, nous avons affaire à un parti communiste qui, à un moment donné, de manière originale, dans l'espace de l'Europe occidentale, occupe une place centrale dans la vie politique. Et puis, il cesse de l'occuper. Et il ne cesse de décliner, notamment à partir des années 70. Et moi, je me suis évidemment posé la question du pourquoi. Et quand on se pose cette question du pourquoi, en matière d'histoire du communisme, on trouve deux séries d'interprétations. J'allais dire, soit une interprétation qui se veut matérialiste, c'est-à-dire, au fond, le recul du Parti communiste est tout simplement le reflet du recul de l'industrie, du recul du groupe ouvrier à l'intérieur de la société française. Avec comme conclusion, le Parti communiste a été un temps d'une histoire, de l'histoire de la société française, il a cessé de disparaître. Et de l'autre côté, on a au contraire les lectures politiques. C'est-à-dire, ce qu'il a perdu, c'est par exemple le fait qu'il ne s'est pas suffisamment distancié de l'Union soviétique et du modèle soviétique. Or, je dois dire que les deux explications ne me satisfont pas dans leur, en tout cas, isolement. Donc il en faut une troisième. Et un troisième, si vous voulez. Et moi, à partir de là, je suis parti de l'idée suivante. Le communisme en France, ça n'est pas simplement un parti. Quand on regarde le communisme français, on a affaire, certes, à un parti avec son histoire, sa logique, son fonctionnement, sa rigidité, à bien des égards, mais c'est aussi une galaxie d'organisations, de pratiques syndicales, associatives, municipales, culturelles. Une ancienne communiste devenue assez opposée aux communistes comme Annick Riel dirait une contre-société. Non, justement pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est une galaxie d'un côté et c'est une sociabilité. Sociabilité ne signifie pas contre-société, c'est une sociabilité particulière, mais articulée à des sociabilités populaires qui existent en dehors d'elle. Et pour moi, ce qui fait à un moment donné la force du PC, c'est que se construit dans l'espace politique une adéquation entre cette sociabilité communiste et la sociabilité ouvrière. Et c'est quand cette adéquation se défait que commence le déclin. Et dans le processus de l'adéquation, il y a des phénomènes objectifs, ce qui se passe dans la société, et puis il y a ce qui se passe dans le parti, avec le fait notamment que le marxisme, ça n'est pas une sorte de fatalisme historique, c'est en réalité aussi une représentation de l'exercice de l'action consciente des hommes, donc de la volonté, et donc, à un moment donné, c'est l'idée, dans l'histoire du communisme, il y a des bifurcations, il y a des ratés, il y a des occasions manquées, et c'est, j'allais dire, l'articulation de ce substrat matériel et symbolique et de l'action consciente qui est la clé d'interprétation. C'est ce qu'on pourra trouver dans un de vos derniers livres qui est consacré aux éditions sociales, la dispute communiste du comité central d'Argenteuil en 1966 sur la culture. Mais on peut aussi reprendre cette fameuse phrase de Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. Anne Jollet, sur toute cette discussion. Ça vous fait plaisir d'entendre. Merci pour la dernière phrase, oui. Je crois qu'elle elle nous rappelle effectivement peut-être tout ce que notre culture, là je parle en tant que rédactrice des cahiers d'histoire, doit justement à Marx dans ce positionnement par rapport à... C'est une phrase que tout historien pourrait reprendre pour lui. À la réalité sociale, mais qui nous permet aussi de mesurer l'écart entre peut-être cette nécessité réflexion, enfin nous au cahier d'histoire on pense absolument nécessaire cette réflexivité, bon je crois que c'est très partagé par les historiens, mais en même temps il y a une nécessité d'assumer une position de l'historien, de sa production par rapport à la société dans laquelle il vit. Et quand tout à l'heure on parlait de dépolitisation au sens large, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'on a une production qui est très très importante, qui est mondialisée avec beaucoup d'échanges, échange des traductions, etc., et un risque de déconnexion et voire d'une forme d'irresponsabilité par rapport au tissu social dans lequel nous sommes profondément insérés et ce que nous devons savoir. Arrêtons-nous là-dessus. C'est grave, selon vous, qu'une histoire mondialisée soit déterritorialisée en même temps ? D'une certaine façon, enfin, c'est-à-dire que les discussions internationales autour de l'histoire, d'une certaine façon, sur certaines notions, Anne Jollet, détachent, d'une certaine façon, l'auteur ou les auteurs de cette histoire de leur substrat social et culturel du moment. Oui, pas forcément, parce que c'est une autre façon d'être dans la société. Mmh. Disons qu'il faut être conscient de ce que ça donne aussi comme point de vue. C'est tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut surtout sortir des oppositions. Tout ça, c'est surtout à penser. Je pense que ce que nous enseigne Marx, c'est cette espèce d'exigence de lucidité quant à notre propre place dans la société, quant à la place de ce que nous produisons. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation et qu'il y aurait des places qui seraient meilleures que les autres. Le tout, c'est cette vigilance. Pour finir là-dessus, je voulais rebondir peut-être par rapport à ce que dit Roger sur ce qui est en cours sur une reprise des débats politiques et des structures politiques, ce qui est quand même un renouvellement par rapport à l'histoire assez justement dépolitisée au sens aussi de l'objet, c'est-à-dire qui ne voulait pas repasser par l'histoire politique des conflits. Je pense que tout ça, c'est très intéressant. On va faire des rencontres d'histoire critique sur Révolution. Bon, il y aura beaucoup de choses cette année. C'est des réflexions qui sont très intéressantes. C'est fin novembre, 23-25 novembre, comme tous les deux ans à Gennevilliers. Donc, on vous invite tous à venir nombreux débattre de ça. Bon, il y aura d'autres forums, notamment autour de novembre 17, mais on y parlera, nous aussi, de novembre 17. Mais il me semble, un cheminement, et notamment qu'on va faire, j'espère, de plus en plus avec les sociologues, sur cette articulation entre politique et conflit, mais aussi production, question de propriété, question du profit, question financière, etc., qui sont posées dans la société et par rapport auxquelles, il me semble, nous avons à avancer dans un travail. Quand je dis nous, c'est tous collectivement, et y compris dans ce que l'on fait au cahier d'histoire, dans lequel, réellement, jusqu'à présent, les questions économiques, parce qu'elles ne sont pas beaucoup travaillées par la recherche, sont un petit peu laissées de côté. Laissées de côté, oui. Et d'ailleurs, vous parlez de questions de propriété. Un extrait de Manu Chao, le sous-commandant Marcos. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. La terre, l'indépendance, la santé, l'éducation, tout cela dans cette chanson de Manu Chao en hommage au sous-commandant Marcos. Vincent Gué, sur ces questions de travail en particulier sur lesquelles vous êtes vous-même penché en tant que sociologue et historien. Oui, ben je repartirai en fait d'un débat qui avait eu au moment du lancement d'une association qui s'appelle désormais donc l'Association française d'histoire des mondes du travail, et la discussion qu'on avait eue à la fondation de l'association, c'était sur comment l'appeler. Et donc du coup le débat était de deux ordres. En gros, c'était le pluriel de les mondes du travail et le travail, et non pas le monde ouvrier, et que effectivement c'était l'idée que aujourd'hui on pouvait bien entendu pas penser le monde du travail uniquement à partir du monde ouvrier, que par ailleurs il y avait une nécessité de complexifier l'approche du monde du travail et donc le prendre au pluriel. Alors bien sûr, ce n'est pas un phénomène complètement récent. L'idée, par exemple, de sortir l'histoire du travail, de l'histoire de ces organisations est quelque chose qui date des années 60-70, mais qu'il fallait reprendre, sans forcément non plus oublier l'histoire de ces organisations. Mmh. Hein, par exemple, effectivement, à des travaux récents sur le Parti communiste, puis sur la CGT, ça a été l'œuvre d'un jeune sociologue, le Julien Michy, qui a effectivement travaillé sur une histoire socio-historique, mmh. on va dire, du Parti communiste. On voit aussi un prolongement des travaux autour du métron qui s'élargit à des nouvelles thématiques, les anarchistes, mm-hmm. les militants de l'immigration, etc. Et puis on voit dans le métron, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est donc l'œuvre lancée par Jean Métron dans les années 50 et qui est continuée maintenant par des dizaines et des dizaines d'historiens autour de la prosopographie du monde mm-hmm. ouvrier, pourrait-on dire, et de tous les militants qui ont nourri ce monde ouvrier, ce militantisme, donc en faisant des biographies historiques de chacun d'entre eux. Et puis donc effectivement toute une série de prolongements de l'histoire ouvrière ou de croisements avec d'autres enjeux. Je pense par exemple à la question des femmes, alors qui a utilisé notamment des travaux de sociologues, notamment les travaux de Daniel Kargouat, la question du travail de l'histoire environnementale. Oui, par exemple. Dans un de vos articles à propos de l'histoire des femmes et du genre, vous dites qu'on peut rajouter à enrichir l'histoire sociale par exemple par le travail sur les masculinités ou sur les féminités, par exemple. Et ça, effectivement, c'est des terrains qui sont assez émergents. Bon, un débat sur comment on dépasse un peu l'espèce d'image d'épinal sur la virilité ouvrière pour penser les masculinités au travail. Je pense aussi... Vous avez fait une critique récente du Todd Shepard sur la question des masculinités dans la guerre d'Algérie et issue de la guerre d'Algérie, par exemple. Et puis, je pense aussi au croisement avec l'histoire environnementale et notamment des travaux sur l'histoire du syndicalisme à travers la question environnementale ou encore... des travaux sur l'écriture ouvrière avec une thèse en cours d'Éliane Leport sur cette question-là, sur la culture, sur les pratiques. Donc toute une diversification et pour finir qui est extrêmement foisonnante, extrêmement riche et qui en même temps pose la question de, non pas cet émiettement mais en tout cas cette diversification, comment elle pose la question qui est plutôt une question marxiste sur où est la lutte des classes là-dedans, où est l'antagonisme. Comment est pensé leur rapport entre les classes, puisqu'on parle de histoire sociale, histoire ouvrière, mais il y a aussi l'histoire de la bourgeoisie, la sociologie de la bourgeoisie, et du coup, comment est-ce qu'à partir de terrains extrêmement variés, on essaye aussi de repenser le conflit à la fois dans des aires réduites, une usine, etc., un territoire, mais d'un point de vue aussi plus structurel. Roger Martelly, dans la conclusion de votre petit livre que vous venez juste de me passer, qui s'appelle « Que reste-t-il de l'octobre russe ?», vous dites « Le XXe siècle est clos, comment dès lors pourrait persister ce communisme particulier qui s'assera à ce point dans ses turbulences et qu'il en fit dépendre son destin ?» Et vous dites « Il doit y avoir, si communisme il doit y avoir, ce ne peut être qu'en faisant son deuil des formes particulières qu'un siècle lui a données. » Est-ce que c'est la même chose pour l'histoire marxiste ? Pour une part, mais pour illustrer cette idée, je vais rebondir un peu sur la phrase que vous avez citée de Marx, de la contribution à la critique de l'économie politique, la préface de 59. Mm-hmm. Moi, je dirais qu'il faut faire un petit peu attention. C'est-à-dire, au fond, il y a deux lectures possibles de Marx. Il y a un Marx qui est un peu téléologique, qui a pour ambition d'annoncer la victoire inéluctable du progrès et du socialisme. Et puis il y a un autre Marx qui est plus ouvert à la contradiction, aux possibilités, à un moment donné, aux hésitations, qui est ouvert aux contradictions, véritablement. Et je crois que c'est celui-là qui est utile dès l'instant où on considère que le marxisme n'est pas une doctrine, mais c'est un guide pour l'investigation. Pourquoi il est intéressant ? Parce que moi, je crois que... Vous le trouvez dans quel texte de Marx, celui-ci ? C'est un texte, j'allais presque dire, dans lequel il pense historiquement la réalité, le 18 Brumaire, la guerre civile en France, etc. Ouais. Pas de fatalité, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a un substrat matériel. Ça, c'est le grand apport au départ du matérialisme historique de Marx. Il y a un substrat matériel. Mais à partir de là, il y a toujours, à un moment donné, sur la base d'un même substrat, des possibles historiques. Et c'est la volonté collective. Donc, quand on parle aujourd'hui, comme Pierre Saint-Garavelou ou Quentin de Lermoz, de l'histoire des possibles, Oui. Ça pourrait être un des surgeons de l'histoire marxiste, c'est ça ? Et les choix collectifs ne sont pas aléatoires, ils sont déterminés, mais ils ne sont pas prescrits. Et au fond, l'histoire, c'est en réalité toute une série sur un fond, j'allais dire, d'histoire de longue durée. Ce sont des bifurcations, c'est un labyrinthe de bifurcations. Et il faut éviter cette tendance de l'histoire qui, à force d'accumuler les causes, finit par penser que seul ce qui est advenu pouvait advenir. Ah ben, moi, je crois que Georges Duby, qui ne voulait pas justement de cette histoire des causalités. Absolument. En l'occurrence, Anne Jollet, un dernier mot pour conclure cette discussion, enfin un peu plus qu'un dernier mot d'ailleurs, oui, pour conclure cette discussion. Oui, je crois qu'on sera d'accord hein, sur effectivement l'aspect réducteur de causalité, enfin, ou de la recherche même des causes. Alors, on a beaucoup mis en avant la question des processus. On pense beaucoup à travers ce que les processus font des acteurs et comment il y a des transformations. Donc, par exemple, on va parler des révolutions et on va, je pense, tous être dans une optique de recherche, de compréhension de la façon dont les acteurs eux-mêmes se transforment, leur pensée se transforme et à partir de là, ils ne produisent pas eux-mêmes dans l'histoire ce qu'ils avaient anticipé comme projet. Mais est-ce que ça, par exemple, cette notion d'agency qui vient des États-Unis est une notion qui peut rentrer justement dans une longue lignée qui se rattacherait de loin à la question de l'histoire telle qu'elle était pensée par Marx, en l'occurrence? Oui, mais je crois que ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir. La question l'agentivité, dit-on étant en français. Celle du collectif. C'est-à-dire, est-ce que l'on pense l'adaptation d'individus ou comme je le pensais quand je parle des acteurs, en fait je parle d'individus en groupe qui agissent en même temps, même s'il y a forcément de la singularité, mais c'est ce mouvement collectif qui les transforme et qui transforme aussi les sociétés dans lesquelles ils vivent. Et je crois que c'est là-dessus que sur l'agency il y a eu des différences d'interprétation, peut-être sur lesquelles on n'a pas assez réfléchi et qui peuvent donner lieu à des approches extrêmement individualiste et libéral, et du coup, à mon sens, en tout cas loin de ce qu'on peut penser avec Marx, et en tout cas loin de ce qui, moi, me paraît opératoire en termes de compréhension des sociétés. Merci donc à tous les trois d'être venus discuter autour de cette question. Que peut-on faire de la pensée de Karl Marx en histoire aujourd'hui? Roger Martelly, je rappelle que votre dernier livre s'intitule « Que reste-t-il de l'octobre russe ?» paru aux éditions Espace Marx et Éditions du Croquant à l'occasion du centenaire de la Révolution russe, bien évidemment, que vous ayez publié auparavant aux éditions sociales une dispute communiste, le comité central d'Argenteuil sur la culture, que les cahiers d'histoire, revue d'histoire critique, leur dernier numéro porte sur l'exposition internationale de 1937, politique et culture au temps du Front populaire, une exposition qui est aussi au cœur, je crois, ces temps-ci, ces jours-ci d'ailleurs, d'une réflexion sur que fait-on du patrimoine russe à propos justement du patrimoine soviétique, à propos de la redécouverte il y a quelques années de certains des monuments qui appartenaient à cette exposition internationale de 1937. Et puis pour vous lire, eh bien Vincent Gay, on va aller sur les excellentes plateformes d'articles en particulier que sont Cairn ou Revue.org, puisque vous êtes présents sur ces plateformes pour certains de vos articles. Merci encore à tous les trois. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Alexandre Dang assurait aujourd'hui la technique et la réalisation. Eh bien, c'était notre nouveau réalisateur, Thomas Duterre, dont on fête l'arrivée dans l'équipe de la Fabrique de l'Histoire.